Automatique, j'ai un truc qu'on arrive à faire. Notre love c'est comme mathématique, bébé t'es dans ma tête, hayati. Wana habibé, wana validé. Oh j'ai décidé, et y'a l'inende. Avec moi ta vie sera zina et meilleure. Mon bébé t'es griffé, fais-moi confiance. Dis-moi, ma bébé, ouais c'est toi. On est bon, on est bien. Entre nous, ça s'envoie. Bébé, dis-moi. Hey, baby, c'est toi. On est bon, on est bien. Entre nous, ça se voit. Ça c'est bien, ça c'est bien. Donne-moi ta main, ta main. Ça c'est bien. Allez, ça c'est bien.